Le monument aux fils révolutionnaires des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il est érigé au sein de la préfecture de la sécurité du peuple de la province du Hamgyong du Sud. Le service de dévoilement du monument au thème « Que brille à jamais le grand trace de direction » a eu lieu le 24 courant en présence des agents de la sécurité du peuple, hommes des forces populaires de l'intérieur et personnel. Les participants ont fleuri le monument. Les organismes de la sécurité du peuple de la province du Hamgyong du Sud sont empreints des exploits de direction des grands hommes Paektusan qui ont consacré de gros efforts pour le développement du travail pour la sécurité du peuple.